Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « La guerre des étoiles » de Ronald Reagan. The X-ray laser can act. Le laser à rayon X peut agir à des distances potentielles de plusieurs milliers de kilomètres. Et une explosion pourrait diriger des rayons vers autant d'objets que vous le souhaitez. Many oncoming objects, as you please. En écoutant le chercheur Edward Teller à l'émission 60 Minutes au mois d'août 1988, on comprend mieux pourquoi cette initiative de défense stratégique lancée par le président Reagan en 1983 a vite été rebaptisée « Guerre des étoiles ». C'est en discutant avec Edward Teller, le père de la bombe H, que Ronald Reagan pense à ce projet de bouclier antimissile. Il faut dire que Reagan est un anticommuniste farouche et qui estime à l'époque que l'URSS est l'incarnation du mal. Prions ensemble pour le salut de ceux qui vivent dans la noirceur totalitaire. Prions afin qu'ils découvrent enfin la joie de connaître Dieu. Mais d'ici là, soyons conscients que lorsqu'ils louangent la suprématie de l'État, qu'ils proclament son autorité suprême sur la volonté individuelle et qu'ils prédisent la domination prochaine de tous les humains sur Terre, ils sont le foyer du mal dans le monde moderne. Et lorsque vous débattez des propositions de gel nucléaire, je vous exhorte d'éviter la tentation de l'orgueil qui consisterait à vous placer au-dessus de la bataille, à décider que les deux camps sont également coupables, à ignorer les faits de l'histoire et les pulsions agressives de l'Empire du Mal, à vous contenter de dire que la course aux armements n'est qu'un vaste malentendu, et par là même à vous soustraire au combat entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Ronald Reagan, le 8 mars 1983, quelques semaines après ce discours, le président américain va lancer officiellement son initiative de défense stratégique, cette espèce de bouclier antimissile destiné à neutraliser la menace nucléaire soviétique. Pour nous parler de l'importance que va avoir cette initiative à l'époque, pour nous parler aussi et nous rappeler le contexte dans lequel sera développée cette stratégie de guerre des étoiles, c'est comme ça qu'on va l'appeler, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente cet épisode-là, cet épisode de l'initiative de défense stratégique dans la présidence de Ronald Reagan, Karine Prémont? C'est plutôt central parce que ça va catalyser toutes les croyances et tous les préjugés de Ronald Reagan à l'égard de l'URSS. Parce que, vous l'avez dit, Ronald Reagan est un anticommuniste avéré, fervent, et il est sûr de trois choses. D'abord, qu'il faut absolument combattre l'URSS. Ensuite, qu'il faut se débarrasser de la menace posée par les armes nucléaires, soviétiques évidemment. Et troisièmement, que l'approche qui est à la mode dans les années 80 en relations internationales, c'est celle du MAD, la destruction mutuelle assurée, est moralement et politiquement absurde. Et cette approche-là, ce qu'elle dit, c'est que puisque les deux superpuissances possèdent des armes nucléaires capables d'anéantir l'autre, ben c'est un peu inutile de s'en servir, puisque même en cas de première attaque, ben on est assuré d'être détruit dans les secondes qui suivent. Alors, il se dit, mais comment on Donc, peut faire... Donc, l'armement massif dissuasif. Voilà. Ouais. Et là, il se dit, ben comment je peux faire, justement, pour à la fois combattre les Soviétiques et en même temps empêcher cette guerre nucléaire potentielle d'arriver. Et c'est là, justement, où ce fameux bouclier antimissile va arriver. Ouais. Et c'est là qu'il aura l'idée en parlant avec Edward Teller. Et c'est un projet, ce qui n'est pas typique de la présidence de Reagan, ce bouclier antimissile, cette stratégie-là, c'est vraiment son projet à lui. Là. Il s'investit là-dedans énormément. Oui, parce qu'habituellement, c'est un président qui est plutôt déconnecté, plutôt détaché, qui est plutôt passif, en fait. Mais ça, ce sera effectivement son idée, son projet. Il sera impliqué activement dans son élaboration et il va être aidé par son conseiller à la sécurité nationale, Robert McFarlane. Et ce sera également préparé en secret, cette affaire-là. Il aura l'aval des chefs d'État-major, bien sûr, mais ses secrétaires d'État et de défense, George Shultz et Caspar Weinberger, ne seront absolument pas au courant de cette affaire-là avant la veille de l'annonce officielle au public. Parce que, justement, on craint qu'ils ne seront pas d'accord, et avec raison, parce qu'ils vont vivement combattre cette idée-là. Mais c'est préparé en secret des plus grands conseillers de Reagan même. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils visent avec cette initiative de défense stratégique Ronald Reagan? Qu'est-ce qu'ils cherchent précisément? Ben, certains analystes le voient un peu comme la première phase d'un plan à long terme pour mettre à genoux les Soviétiques. D'abord, il y aurait ce système de défense pour empêcher les attaques nucléaires soviétiques. Une deuxième deuxième phase, c'est de convaincre l'Arabie saoudite d'inonder le marché avec son pétrole pour faire diminuer les prix, parce qu'on sait que ça va affecter les dépenses militaires soviétiques qui dépendent beaucoup de l'argent du pétrole. Et finalement, d'essayer de coincer les Soviétiques dans un conflit qui est impossible à gagner. Et ça va arriver en Afghanistan, quand les Soviétiques vont envahir l'Afghanistan en 79. Bon, évidemment, ce plan est plutôt difficile à démontrer scientifiquement. Créer un Vietnam, je lisais ça, là, c'est en préparant l'émission. C'est le Vietnam des Soviétiques. Oui, l'image est belle. Donc, comme je disais, cette stratégie planifiée est plutôt difficile à démontrer, mais ce qui est clair, c'est que cette idée du système de défense va assurément être l'un des premiers clous dans le cercueil des Soviétiques, même si, paradoxalement, ce bouclier ne verra jamais le jour. Oui. C'est stratégiquement, en fait, un signal qui est envoyé aux Soviétiques. Ça leur fait peur. Et c'est, vous le disiez, ils sont déjà fragiles économiquement. Oui. C'est beaucoup. Ils savent que pour répondre à ce bouclier-là, ils ne peuvent pas, en fait. Financièrement, c'est impossible pour eux. Ça coûte trop cher. Ils ne seront pas capables d'y arriver. I call upon the scientific community in our country. J'invite la communauté scientifique de notre pays, ceux-là même qui nous ont donné l'arme nucléaire, à se mettre au service de l'humanité et de la paix universelle en nous donnant les moyens de neutraliser et de rendre désuètes ces armes nucléaires. Nous ne désirons ni la suprématie militaire, ni davantage politique. Notre unique but, celui que nous partageons tous, est de chercher une manière de réduire le danger de guerre nucléaire. Chers concitoyens, ce soir, nous lançons une action susceptible de changer le cours de l'histoire. L'affaire est risquée. Elle prendra du temps. Mais je crois que nous pouvons y arriver. À l'approche de ce nouveau défi, je vous demande de prier et de m'accorder votre appui. Merci. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Good night. God bless you. C'est donc le 23 mars 1983, on vient de l'entendre, que le président Reagan annonce à la population américaine son intention de développer sa fameuse initiative de défense stratégique. Comment il va réussir à... Enfin, il va essayer en tout cas de convaincre les Américains de le suivre. C'est quoi les arguments qu'il présente ce soir-là? Bien, d'abord, le plus important, c'est d'empêcher cette attaque nucléaire tant crainte qui viendrait des Soviétiques, parce qu'il faut vraiment se remettre dans le contexte des années 80, en particulier du début des années 80. Cette menace, elle est omniprésente, perpétuelle. Et donc, de dire, ben écoutez, là, on se lance dans un grand projet. Il a dit qu'il va changer le cours de l'histoire, qu'il va nous demander du temps, des efforts, des ressources, mais c'est pour empêcher cette guerre nucléaire qui nous fait tous peur. Alors, c'est son argument de vente, autrement dit, pour convaincre les Américains. Ouais. Bon, maintenant, c'est une opération qui va être complexe, puis on va y revenir dans un instant, mais juste pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, c'est quoi le plan de match avec ce bouclier antimissile. On écoute Michel Lacombe en parler avec le chercheur américain James Swingle à l'émission Le Point en 1985. Comment atteindre toutes les fusées balistiques porteuses de bombes? La défense stratégique se déroulerait en trois étapes. On tenterait d'abord d'atteindre les fusées dès qu'elles quitteraient le sol ou les sous-marins soviétiques, durant leur phase d'accélération. Celles qui échapperaient à ce premier barrage libéreraient dans l'espace leurs 10 têtes nucléaires indépendantes et des dizaines de leurs. Il faudrait alors détecter les vraies bombes et les abattre. Finalement, au sol, près des objectifs présumés, d'autres armes tenteraient, dans un dernier effort, de détruire les têtes nucléaires qui auraient passé les deux premiers barrages. Le but du programme est de produire une défense presque sans faille, que le nombre de têtes nucléaires qui passeraient au travers soit si petit que cela décourage l'attaquant. Mais James Swingle refuse de préciser ce que veut dire un petit nombre. Le genre de défense grandiose qu'envisage le président éliminerait toutes les têtes nucléaires. Devant ce scénario hollywoodien, Swingle répond, ça pose des difficultés techniques extrêmement difficiles à résoudre. On le voit bien en écoutant cet extrait, Karine Prémont, le projet de Ronald Reagan est très ambitieux, extrêmement complexe sur le plan technique, ce qui fait que très vite, on va effectivement parler, je la compte parler d'Hollywood, de scénario hollywoodien dans cet extrait, très vite, on va parler de ce projet comme celui de la guerre des étoiles, un clin d'œil direct au film de George Lucas à l'époque. C'est d'ailleurs le sénateur démocrate Ted Kennedy qui va être le premier à parler de guerre des étoiles. Oui, parce qu'il sera interviewé par le Washington Post et il va dire, c'est un scénario téméraire qui est digne de Star Wars, cette affaire. Effectivement, on est dans l'air du temps parce parce que la trilogie de George Lucas, les deux premiers films sont apparus en 77 et en 1980. Et donc, on va faire référence à ça parce que c'est un système qui requiert des lasers, des particules subatomiques, des technologies nouvelles que le grand public ne connaît pas. Donc, on va associer très rapidement Star Wars à cette initiative de défense stratégique, même si l'administration Reagan va tenter de revenir à IDS, qui est l'acronyme, ça ne fonctionnera pas, d'autant plus que beaucoup des détracteurs de ce projet-là vont dire « c'est fantaisiste comme Star Wars, c'est irréaliste, c'est de la science-fiction, cette affaire ». Donc, l'appellation Star Wars va perdurer encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Ouais. Comment ça va être reçu, par ailleurs, sur le fond, parce qu'évidemment, il y a cette étiquette-là qui gêne l'administration de Ronald Reagan, de projet Star Wars, mais comment l'opinion publique, comment les milieux politiques, comment les médias réagissent à l'annonce de cette initiative-là en 83? Bien, en fait, les Américains sont plutôt favorables au début. On voit que 61% d'entre eux approuvent la création d'un tel système de défense. On a fait les sondages quelques heures après l'annonce du 23 mars. Évidemment, quand on demande aux gens d'expliquer ce que c'est ce système de défense, on se rend compte que personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Mm-hmm. Mais puisqu'il s'agit de nous protéger des Soviétiques, alors parfait, c'est bon. Donc, on achète l'argument de vente de Reagan, finalement. Ailleurs, aux États-Unis, au niveau politique en particulier, au Congrès notamment, on est plutôt sceptique et on dénonce en fait la complexité de ce système-là. D'abord, en termes de contraintes économiques, combien ça va coûter? Oui. Ça va coûter extrêmement cher. En termes de difficultés techniques, on l'a entendu, on fait face à des défis techniques et technologiques énormes. Et pour le Congrès, finalement, c'est un peu irresponsable également parce que ça va accélérer les crises entre l'URSS et les États-Unis. Ça va en tout cas créer des tensions supplémentaires et peut-être créer une nouvelle course à l'armement, ce qu'on souhaite à tout prix éviter. Oui. Et d'ailleurs, les pays alliés des États-Unis vont aller pas mal dans le même sens que le Congrès à cet égard-là, parce qu'ils vont craindre les répercussions négatives de l'initiative de défense stratégique. D'abord, concernant l'équilibre des puissances, est-ce qu'un tel système va donner un avantage indu aux États-Unis et donc va déséquilibrer un peu le monde tel qu'on le connaît? Est-ce que l'URSS va mettre en œuvre des représailles contre ce système-là, par exemple? Et justement, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans une situation où les risques de conflit sont plus élevés qu'avant, alors que c'est l'inverse qu'on souhaite produire. On est loin de la détente, la fameuse détente. On est en pleine guerre froide. Exactement. Il y a eu des périodes de détente. Quand Reagan arrive, on le sait, avant même qu'il annonce le projet Guerre des étoiles, on sait que c'est un président qui est farouchement anticommuniste, que ça va être plus tendu. Mais c'est ça, au fond, que dénoncent beaucoup les pays européens, entre autres. Oui. C'est que là, on s'enfonce dans une froideur plus grande encore. Exactement. On n'est pas en train de régler des choses, on est en train de les aggraver. Ouais. En URSS, c'est reçu comment, ce projet-là, par les autorités soviétiques? C'est la consternation, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que justement, du côté de l'URSS, on craint de déséquilibrer ces puissances dont on parlait tantôt. On craint que le système international souffre de ça, parce que là, on sait très bien du côté de l'URSS qu'un tel système neutraliserait toutes nos armes. Mm-hmm. Et on sait qu'on est incapable de rivaliser, ne serait-ce qu'économiquement ou militairement, avec un tel système. C'est presque la panique à Moscou. Ils se disent, parce qu'ils y croient, eux, ils ne savent pas. Ils se doutent sûrement que ça va être très coûteux et très complexe, mais ils voient qu'il y a une détermination très grande du côté des Américains et de Reagan. Ils se disent, ils sont en train de nous patenter, passez-moi l'expression, un truc qu'on ne pourra pas rivaliser avec ça parce qu'on est fauchés, entre autres choses. Oui, et d'autant plus que cette supériorité militaire américaine, elle est réelle, et les Soviétiques la craignent beaucoup. Et aussi parce que les États-Unis mettent en scène différentes démonstrations, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas du tout, ce système. Mais les Soviétiques y croient. Et les Soviétiques, justement, se disent on est incapable de rivaliser avec un tel système. Alors, que pouvons-nous faire, autrement dit, puisqu'on ne peut pas avoir autant d'armes, on ne peut pas construire un tel système, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où Yuri Andropov, qui est à ce moment-là à la tête de l'URSS, va dire peut-être qu'on peut détruire Star Wars. Peut-être qu'on peut détruire cette défense stratégique plutôt que de construire des armes qui vont nous permettre d'avoir un tel système, nous aussi. Et c'est ce qui va se passer. On va développer du côté de l'URSS le projet Polyus, qui est supposé s'en prendre aux satellites américains. Alors, on veut lancer ça dans l'espace pour essayer de neutraliser les satellites américains qui, eux, sont chargés dans ce projet Star Wars de détruire les bombes soviétiques. Rendre inefficace le fameux système de défense américain. Revenons à l'étiquette Star Wars, parce qu'au-delà de la boutade et du fait que ça embête passablement l'administration républicaine de Ronald Reagan, ça en dit beaucoup sur le scepticisme est grand, même aux États-Unis. Là. Oui. Au fond, les Soviétiques, peut-être qu'ils y croient plus les Américains. Ils sont bernés d'une certaine façon. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de scientifiques, pour plein de raisons. Dans le milieu politique, il y a énormément de scepticisme sur le plan légal. Beaucoup de scepticisme face à la guerre des étoiles. En effet, les problèmes politiques, légaux, techniques sont énormes. D'abord, en termes politiques et légaux, un tel système contreviendrait de façon assez claire à plusieurs traités internationaux, notamment le traité de l'espace, qui depuis 1967 interdit l'utilisation d'armes de destruction massive dans l'espace. Et là, un système comme celui-là impliquerait d'avoir des armes nucléaires dans l'espace, ce qui pose problème de façon assez claire. Le traité ABM et le traité SALT, qu'on a signé en 72, donc quelques années auparavant, qui limitait les États-Unis et l'URSS à deux systèmes terrestres de défense antimissile, mais là, ça en ferait un troisième. Et donc, encore une fois, on contreviendrait à ces traités internationaux. Mais je vous dirais que les plus grands obstacles encore sont ceux qui relèvent de la technique. Ouais. Parce que les tests effectués se sont tous révélés non concluants. Ça ne fonctionne pas. C'est compliqué. On n'est pas capable de résoudre les problèmes les plus simples. Et entre 83 et 91, on a dépensé 30 milliards de dollars pour réaliser ce projet qui ne donne aucun résultat pour l'instant. Alors, on commence à s'essouffler un peu et à se dire... Est-ce qu'on va être capable techniquement de réaliser une telle chose? Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Montréal. Eh bien, l'événement qui survient aujourd'hui en ce jour de Noël est d'une ampleur telle qu'on se demande vraiment si on réalise ce qui se passe. Aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev, qui depuis 6 ans était à la tête de la deuxième puissance au monde, s'est résigné à démissionner et sa démission, en même temps, se trouve à sceller la disparition d'un pays, d'un empire même, l'URSS. Ça n'est pas rien, ça. On n'a jamais vu ça. Pensez à l'Empire romain, pensez à l'Empire grec, l'Empire ottoman à la fin de la Première Grande Guerre. Un empire aujourd'hui qui se disloque, qui disparaît sans guerre, du moins jusqu'ici. Eh bien, ces deux événements-là, aujourd'hui, même s'ils étaient annoncés depuis un bon bout de temps, c'est aujourd'hui que ça survient. L'ouverture du téléjournal du 25 décembre 91, ce qu'on vient d'entendre, ça nous dit l'état du monde en 91, tous ces beaux projets de Ronald Reagan... À la mesure où le mur de Berlin s'est écroulé en novembre 89, Karine Prémont, où Gorbatchev et l'URSS c'est fini en décembre 91, qu'est-ce que ça devient, ce projet de guerre des étoiles? Ça devient rien. En fait, c'est un projet qui va mourir, effectivement. Va prendre des milliards plusieurs et années. Des milliards plus tard. Des milliards et des milliards plus tard, une très longue agonie plus tard. Ce projet va mourir en 1993, officiellement. Le secrétaire à la défense de Clinton, Les Aspin, va dire « c'est la fin de l'ère Star Wars ouais. ». Évidemment, la chute de l'URSS va rendre un peu obsolète l'idée même d'un tel système. Mais il faut dire que ça aura eu des avantages politiques néanmoins, même si ce projet-là ne voit jamais le jour, parce que ça va forcer l'URSS à négocier, en particulier en 1985, lors du sommet de Reykjavik en Islande. C'est la première rencontre entre Reagan et Gorbatchev. Et l'initiative de défense stratégique va être au cœur des négociations entre les deux pays. Et c'est Gorbatchev qui va commettre une erreur stratégique à ce moment-là, parce qu'il va annoncer qu'il est prêt à renoncer à toutes ses armes nucléaires d'ici la fin du siècle, en échange de la fin du projet Star Wars. Ouais. Reagan va refuser et là, Gorbatchev va se retrouver en position de vulnérabilité. On va signer un traité quelques mois plus tard qui vise la réduction et le démantèlement de milliers d'armes nucléaires et conventionnelles. Donc, ça va avoir forcé l'URSS à faire des compromis parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas rivaliser avec les États-Unis sur ce plan technique et militaire. Et en 1987, quelques temps après Reykjavik, le fameux projet Polius va lui aussi mourir parce que le système va s'abîmer en mer. Alors, on va pas poursuivre les recherches. Ouais. Donc, tout ça, tranquillement, va amener quelques gains politiques, mais militairement, techniquement, ça ne mène à rien. Il y a une image qui me vient en vous écoutant, c'est le match, c'est la partie de poker. Oui. Reagan a la plus belle main possible au poker. Il ne sait même pas probablement lui-même que son projet ne sera pas mené à terme, qu'il ne peut pas techniquement y arriver, mais il fait drôlement peur, on revient à ça, à son adversaire. Et ce qui fait que l'URSS fait concession après concession. Même si la logique de Guerre des étoiles, c'était une logique de surenchère, au fond, ça va permettre, parce que c'est un bluff magnifique, la décroissance de la logique militariste. Là. On sort de la surenchère. Vous avez tout à fait raison, sauf que pour Reagan, c'est pas un bluff. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne, parce que Reagan y croit. Il pense que c'est essentiel. Il est un peu naïf sur ses questions techniques et sur ses questions de stratégie militaire également. Donc, je suis pas certaine qu'il sait à quel point c'est compliqué. Et d'ailleurs, il va quitter la présidence avant même qu'on déclare la fin de ce projet-là, mais il y croit. Et je pense que c'est cette fermeté-là, c'est cette conviction-là de Reagan qui va faire peur à l'URSS en disant mais il le veut vraiment. Ouais. Ils ont les moyens de mettre... Parce qu'à cette époque-là, les États-Unis investissent quelque chose comme 4,9 % de leur PIB dans le militaire. Alors, l'URSS est convaincue que les États-Unis sont capables d'y arriver. Ouais. Alors, c'est vraiment la main haute de Reagan qui va finir par, effectivement, mettre l'Union soviétique à genoux. La fin officielle, vous le disiez, c'est 93. Mm-hmm. C'est à ce moment-là qu'on renonce officiellement à cette stratégie de guerre des étoiles. Mais le projet va continuer. Il y a quelque chose là-dedans qui va faire son chemin dans l'esprit de plusieurs présidents. Oui, parce que c'est George H. Bush qui va succéder à Reagan. C'était le vice-président de Reagan. Sauf que lui, à la chute de l'URSS en 91, jusqu'à la mort officielle du projet en 93, va réduire considérablement les objectifs et la portée de l'initiative de défense stratégique. Il va dire, ben, ayons un système qui va nous permettre de répondre uniquement aux attaques de faible envergure, donc qui vient de groupes terroristes ou d'États voyous, par exemple, et de contrer peut-être les attaques accidentelles, parce qu'on n'a pas les moyens de déployer un système tel qui va nous permettre de contrer des attaques massives. Par exemple. Finalement, il va quitter la Maison-Blanche. Bill Clinton, lui, en 99, va souhaiter développer un système de défense pour se protéger et protéger les alliés américains, non pas de l'URSS, mais de la Corée du Nord, des missiles de la Corée du Nord que le gouvernement commence à envoyer, notamment au-dessus du Japon. Alors, dans l'esprit de protéger les alliés, Clinton va remettre ce projet-là à l'ordre du jour. Peut-être aussi, lui, en termes de bluff, là, peut-être davantage, en fait, que Reagan. Ça va continuer à survivre, ce projet, avec le 11 septembre. Oui. Parce que là, George W. Bush va dire, ben, il faut construire un bouclier antimissile pour protéger les États-Unis et les Alliés. On n'a plus tant besoin d'aller dans l'espace. On peut utiliser nos bases terrestres. Et on se rappelle qu'en 2005, Paul Martin, le premier ministre du Canada, va dire, nous ne collaborons pas avec les États-Unis sur ce projet. Nous ne céderons pas la souveraineté territoriale pour ce genre de projet. Et ça va un peu calmer les ardeurs des États-Unis. À ce moment-là, c'est plus des attaques terroristes éventuelles qu'on craint, entre autres. On craint que les groupes terroristes mettent la main sur des armes de destruction massive, notamment nucléaires. Donc, ça sert encore à protéger des attaques nucléaires, mais d'un ennemi non identifié, généralement. Obama, en 2009, va réduire la portée de ce bouclier antimissile parce que les tests échouent, ça coûte trop cher. Donald Trump, en 2017, va ramener l'idée de ce bouclier, mais encore une fois, techniquement, c'est pas possible. Depuis 1983, les États-Unis ont dépensé 240 milliards de dollars pour ce projet-là, alors que les scientifiques disent qu'on ne peut pas se fier à un tel système en pensant que ça va nous protéger à 100 %. Ce serait irresponsable de penser une telle chose. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.